sugar. Peu comme dans un livre d'Albert Camus. Il est arrivé comme un bonus. En plein dans nos vies, ce putain de virus. Tranquille, fais-toi un petit cara. Reste chez toi, vas-y, reste chez toi. Occupe-toi, apprends le québécois. Comme une prédiction de Nostradamus. Un mauvais délire sous un air de cactus. Prends-le comme une pause, loin de la consommation. Un temps mort, une remise en question.